The book of Acts chapter 2, precious people. Le livre des Actes chapitre 2, Jean précieux. And he says, when the day of Pentecost came. Et il dit quand le jour de Pentecôte est arrivé. They were all together in one place. Ils étaient tous ensemble dans un endroit. Verse 2. Verset 2. He says, suddenly a sound like the blowing of violent wind. Soudain, un bruit comme le vent, un vent violent. Came from heaven and filled the whole house. Est venu du ciel et a rempli toute la maison. Where they were sitting. Où ils étaient assis. I want to stop there and just begin opening up. J'aimerais arrêter ici et commencer à expliquer. He says, suddenly a sound like the blowing of violent wind. Il dit, soudain, un bruit comme un vent violent came from heaven. Est venu du ciel. If I were you and I meet the word violent, I would underline it. Si j'étais vous, je mettrais un trait sous le mot violent. Something violent. Quelque chose de violent. Normally comes to destroy. Normalement vient pour détruire. If something is violent, it's destructive in nature. Si quelque chose est violent, ça a une nature de destruction. That to me is very amazing. Alors pour moi, c'est très étonnant. Because I know the Lord already talked about the first visitation. Parce que je sais que le Seigneur a déjà parlé de la première visitation. And he used it to mirror the second and the last visitation. Et il l'utilise comme un miroir pour la seconde et la dernière visitation. That second and last visitation, you can see its mirror right here. La seconde et dernière visitation, vous voyez, c'est comme un miroir ici. Because it says when the day of Pentecost became realized. Parce qu'il dit quand le jour de Pentecôte a été réalisé. When the fullness of time came. Quand la plénitude du temps est venue. That the day of Pentecost may be realized. Que le jour de Pentecôte peut être réalisé. That the Lord may finally now release the power from on high to visit the church. Que le Seigneur puisse finalement maintenant libérer le pouvoir d'en haut pour visiter l'église. Then there was a shocking moment. Ensuite, il y a eu un moment choquant. When a violent wind visited. Quand un violent vent a visité. Let me now describe to you what the Lord denotes, what he's trying to speak to you in this way. Laissez-moi vous décrire ce que le Seigneur indique, ce qu'il essaye de vous dire de cette manière. Something violent. Quelque chose de violent. Is destructive in nature. A une nature de destruction. Look at it this way. Regardez de cette manière. There was an order that had been set up in the church. Il y a un ordre qui a été établi dans l'église. There was a certain order that had been relayed, had been laid down in the world. Il y a un certain ordre qui a été établi, qui a été mis dans le monde. If you look at the worship in the church at that time, si vous regardez l'adoration dans l'église, dans ce temps, it had been set up based on certain order. Ça a été établi et basé dans un certain ordre. But when the fullness of time had come, mais quand la plénitude du temps est venue, for the Holy Spirit, for the power to be released, pour le Saint-Esprit, pour le pouvoir d'être libéré, then he released power that came to destroy that order. Alors il a été libéré. Il est venu pour détruire cet ordre. And that destruction did not take place by forming a commission. Et cette destruction n'a pas pris place en formant une commission. To be able to deliberate on the protocols. Qui soit capable de délibérer et qui ait un protocole. On the basic requirements, the steps that would transition. Dans les exigences de base. Dans les pas de, pour cette transition. When time came for him to dismantle that order, the old order. Quand le temps est venu pour lui de démanteler cet ordre, ce vieil ordre. He brought it without notice. Il l'a amené sans une notice. Which normally bespeaks God's visitation. Qui normalement est dit de la visitation de Dieu. He brought it violently without announcement. Il l'a amené violemment, sans annoncer. And he did not care, oh no, it's going to, let's be careful with it, let's go slow with it, not to hurt them. Et il ne s'est pas soucié, oh non, ça va être, faisons attention à cela, alors lentement avec eux, pour ne pas les heurter. Violently, he demolished the old order. Violemment, il a démoli le vieil ordre. And what amazes me therein, et ce qui m'étonne là, is what I'm going to read further here. C'est ce que je vais lire plus loin, ici. He said, violent wind, violent, boom, boom, coming, destroying, you know? Il a dit, un vent violent, violent, venant et détruisant. Destroying both in the spiritual realm, détruisant les deux dans le domaine spirituel and in the physical realm. Et dans le domaine physique. But look at what befalls them. Mais regardez à ce qui leur arrive. And I like that in the house where they were. J'aime ça dans la maison où ils étaient. The house. La maison. Every time the Lord talks about the house. À tout moment le Seigneur parle à propos de la maison. He talks about his dwelling. Il parle à propos de sa demeure. The house of the Lord. La maison du Seigneur. That demolishing and the dismantling. Cette démolition et ce démantèlement. Of the old order. Du vieil ordre. The old spiritual order. Du vieil ordre spirituel. Is something that would have to take place in the house. C'est quelque chose qui a avoir place dans la maison. But look at what he says in verse 3. Alors regardez ce qu'il dit au verset 3. Then they saw what seemed like tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Et ils ont vu comme des langues de feu séparées qui sont venues et se sont posées sur chacun d'eux. And then he says, and all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Et ensuite, il dit que tous étaient remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler d'autres langues comme le Saint-Esprit les rendait capables. That is very, very powerful. Ça, c'est très, très puissant. That which I've just read is extremely too powerful. Ce que je viens de lire est extrêmement puissant. At times I wonder how can I handle it if it's this powerful. En ce temps, je me demande comment il pouvait le gérer puisque c'était si puissant. Turn with me so you may understand what the Lord is relaying to the church in this moment. Tournez avec moi et vous allez comprendre ce que le Seigneur donne à l'Église en ce moment. Matthew chapter 3. Matthieu, chapitre 3, verse 11. Le verset 11. Again, Matthew chapter 3, verse 11. Matthieu, chapitre 3, verset 11. He says, il dit, I baptize you with water for repentance. Je vous baptise du baptême de la repentance. But we see that the Lord Jesus repeated that in the book of Acts. Mais vous voyez que le Seigneur Jésus le répète dans le livre des Actes. In Acts chapter 1. Dans Actes chapitre 1. He reminded them that there was the baptism that John preached, the baptism of water. Il leur rappelle que il y a un baptême que Jean prêche, qui est le baptême d'eau. For the remission of sin. Pour la rémission des péchés. So he says, I baptize you with water for repentance. Alors il dit, je vous baptise du baptême de la repentance. But after me will come one who is more powerful than I. Mais après moi viendra quelqu'un qui est plus puissant que moi. Whose sandals I am not fit to carry. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. That means to hold in the buckles. Ça signifie de tenir les boucles. You know, when you carry the sandals in those days, you use the buckles to hold them. Vous savez, quand vous portez des sandales, vous utilisez des boucles pour les tenir. The buckles are the ones that tie the sandals. Des boucles, les boucles sont celles qui attachent les sandales. The sandal talks about his ministry. Les sandales parlent à propos de son ministère. The sandals, his ministry I cannot even get close to. Les sandales, son ministère, je peux même pas m'en approcher. His ministry is mightier. Son ministère est tellement puissant, grand. After me comes one whose ministry is very powerful. Après moi vient celui dont le ministère est puissant. Remember, the buckles of a sandal normally are commensurate with the foot that will fit on the sandal. Souvenez-vous, les boucles des sandales sont normalement en mesure de la taille des pieds que vous portez dans les sandales. So you cannot have a smaller feet on a bigger sandal because the buckle, the little holes where the buckle fit will be far away from the foot. Alors, vous ne pouvez pas avoir des plus petits pieds dans des plus grandes sandales parce que les boucles, les petits trous où les boucles s'ajustent seront trop éloignés du pied. But anyway, he says, whose sandals I am not fit to carry. Les sandales de qui je ne suis pas digne de porter. Listen to the most important part here. Écoutez, la partie la plus importante ici. He will baptize you with the Holy Spirit. Il vous baptisera du Saint-Esprit. And with fire. Et de feu. That is what I want you to catch here. C'est ce que j'aimerais que vous saisissiez ici. He says his winnowing fork is in his hand. Il a son vent à la main. And he will clear his threshing floor. Et il nettoiera son air. Gathering the wheat into the barn. Et il amassera son blé dans le grenier. And burning up the chaff with unquenchable fire. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Then now I can return to the book of Acts. Et maintenant, je peux retourner au livre des Actes. Chapter 2. Le chapitre 2. In that tremendous visitation. Dans cette puissante visitation. Because he says. Parce qu'il dit. He says that when the violent wind came to dismantle the old order in the church. Quand le vent violent est venu pour démanteler cet ordre dans l'église. Then he also unleashed fire into the church. Et il a aussi envoyé le feu dans l'église. The fire of the Holy Spirit. Le feu du Saint-Esprit. And I like the fact that the fire first descended on the servants, the priesthood. Et j'aime le fait que le feu soit descendu premièrement sur les serviteurs, sur la prêtrise. And so now you begin to understand what was the Lord requiring of the church. Et maintenant nous commençons à comprendre ce que le Seigneur exigeait de l'église. In that mighty vision of Revelation chapter 6. Dans cette puissante vision d'Apocalypse chapitre 6. Because now in chapter 2 of the book of Acts we see that a fire was unleashed. Et parce que maintenant nous voyons dans le chapitre 2 du livre des Actes que le feu était relâché. The fire was not unleashed until there was the violent dismantling of old order. Le feu n'était pas relâché jusqu'à ce qu'il y ait le violent démantèlement du vieil ordre. And now we see that the fire is meant to destroy the chaff, burn it up. Et maintenant, nous voyons que le feu est utilisé pour détruire la paille, pour la brûler. The chaff in the church. La paille dans l'église. To burn it up. Pour la brûler. And that's why you see that the fire descends on them. Et c'est pourquoi vous voyez que le feu descend sur eux. And then they become vessels of the Holy Spirit. Et ensuite ils deviennent des récipients du Saint-Esprit. So when the Lord celebrated in the book of Revelation chapter 6. Alors quand le Seigneur célébrait dans le livre de l'Apocalypse chapitre 6. Verses 5 to 6. Les versets 5 à 6. When he highlighted the release of the black horseman. Quand il mettait en relief le lancement du cavalier noir. And then he said, but this is the roadmap into the kingdom of God. Et ensuite il a dit, c'est la carte routière dans le royaume de Dieu. Into the wedding feast of the Lamb. Du banquet de noces de l'agneau. Then now I begin to understand why within that very definition there. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi dans cette importante définition ici. There is the separating and the re-celebrating of oil and wine. Il y a la séparation et la recélébration de l'huile et du vin. The renewed celebrating of the oil and wine. Il y a une célébration renouvelée de l'huile et du vin. In other words, the Lord is saying that those who are my elect. En d'autres mots, le Seigneur est en train de dire que ceux qui sont mes élus. The church that is the priestly bride. L'église qui est l'épouse sacerdotale. The church that is the royal bride of Christ. L'église qui est l'épouse royale de Christ. He says, is the church whose worship is characterized by fire. Il dit, l'église qui adore est caractérisée par le feu. So when the power that was promised comes from on high. Alors quand le pouvoir qui était promis vient d'en haut, in translating and translates into the visitation of this hour, en traduisant et traduite dans la visitation de cette heure, then that power actually is manifest by fire. Et ce pouvoir est actuellement manifesté par le feu. What do I mean by fire? Qu'est-ce que je pense par le feu? Because of the purifying ability of the fire. Parce que la capacité de purifier qu'a le feu. In other words, the Lord is saying that this roadmap I lay for you in Revelation chapter 6. En d'autres mots, le Seigneur dit que cette carte routière que j'ai mis pour vous dans Apocalypse chapitre 6. is a roadmap in which those that walk therein est une carte routière pour ceux qui marchent là are characterized by fire. Est caractérisée par le feu. They have been burnt up. Ils ont été brûlés by the fire of the Holy Spirit. Par le feu du Saint-Esprit. They have been incinerated. Ils ont été incinérés. That means they have been burned. Ça signifie ils ont été brûlés by the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit. The fire of the Holy Spirit has burnt them up. Le feu du Saint-Esprit les a brûlés. Alléluia. Alléluia. Those walking in this roadmap. Ceux qui marchent avec cette carte routière. This spiritual roadmap. Cette carte routière spirituelle. This last roadmap. Cette dernière carte routière. They will be defined by some features. Ils seront définis par quelques caractéristiques. They are people who have been burnt up. Ils sont des gens qui ont été brûlés. By the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit. What does it mean you have been burnt up? Qu'est-ce que ça signifie avoir été brûlé? That means the you has been burnt away. Ça signifie le vous a été brûlé. That means when the you is burnt away. Ça signifie que quand le vous a été brûlé. Then there is another you that you have now. Ça signifie que vous avez maintenant un autre vous. That is a you that is now in his own image. Maintenant c'est le vous qui est à sa propre image. Now you can be a witness. Maintenant, vous pouvez être un témoin. Now you can witness him. Maintenant, vous pouvez témoigner. Because he is holy. Parce qu'il est saint. This is tremendous to me. C'est énorme pour moi. Because then I begin to understand the killing of self. Parce que je commence à comprendre de se tuer soi-même. You see, then the reason, the more the reason, the Lord speaks a dual prophecy, double prophecy within one half of the prophecy. Vous voyez donc la raison. Le plus la raison, le Seigneur parle de la double prophétie. Dans une moitié de la prophétie, he says, a quarter of wheat for a day's wages. Il dit une mesure de blé pour un denier, le salaire d'un jour. When you see oil and wine, protect it. Mais vous voyez, l'huile et le vin, protège-les. That's one half of that prophecy. C'est une moitié de cette prophétie. But then inside there, mais ensuite, à l'intérieur de ceci, he says, preserve the oil and the wine. Il dit, préserve l'huile et le vin. Because that is the high worship. Parce que c'est la haute adoration. That is the worship that touches me. C'est l'adoration qui me touche. That means those are the ones walking in the power of the Holy Spirit. Ça signifie ceux qui marchent par le pouvoir du Saint-Esprit. And this is a huge indictment to the church today. Que c'est une gigantesque accusation pour l'Église aujourd'hui. It's a huge indictment to the church. Une gigantesque accusation pour l'Église. As in, hey, have you really walked in the power? Comme dans, hey, avez-vous vraiment marché dans le pouvoir? Now I know the true biblical meaning of the power of God in the church. Maintenant, je connais la vraie signification du pouvoir de Dieu dans l'Église. Or the true meaning of a powerful church. Ou la vraie signification de l'Église puissante. It is a church in which the flesh has been burnt away. C'est l'Église dans laquelle la chair a été brûlé. The church in which the old self has been dismantled violently and destroyed. L'église dans laquelle tout le soi a été démantelé et détruit. And the new self have come into being. Et que le nouveau soi s'est installé. And that means now that church is walking in the image of Christ himself. Et ça signifie que cette église est en train de marcher à l'image de Christ lui-même. I am just celebrating the works of the Holy Spirit. Je suis juste en train de célébrer le travail du Saint-Esprit. That the Lord defined in the spiritual roadmap. Que le Seigneur décrit dans la carte routière spirituelle. That is set out in Revelation chapter 6. Qui est présenté dans Apocalypse chapitre 6. And he said all of them received the Holy Spirit. Et il a dit tous ont reçu le Saint-Esprit. But if you read on a little bit, because I have a lot of scripture, this is just one of them. Si vous lisez un peu, parce que j'ai beaucoup de passages, c'est l'un d'entre eux. So I want us to go as much as we can on this one. Alors j'aimerais que nous puissions aller aussi loin que nous pouvons dans celui-ci. He says, now there were saying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. Et il dit, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue. Because each one of them heard them speaking in his own language. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. What is it that the church that the Lord defines in Revelation chapter 6 is supposed to do today? Qu'est-ce que l'église que le Seigneur définit dans Apocalypse chapitre 6 est supposée faire aujourd'hui? To be able to walk this roadmap. Pour marcher selon cette carte routière. He says here, il dit ici, now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from all over the earth and the heaven. Maintenant, ils étaient en séjour à Jérusalem, des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. But there is something that is more critical here in this hour in the church. Mais il y a quelque chose qui est plus important ici à cette heure dans l'église. There is something more critical in this scripture here. Il y a quelque chose de plus important dans cette écriture ici. Because he's saying, parce qu'il dit, those God-fearing Jews, ces Juifs qui craignaient Dieu, from all over the earth, de toutes les nations de la terre, they heard, they were able to hear. Ils ont entendu, ils ont été capables d'entendre. They heard two things. They heard a sound. When they heard this sound, ils ont entendu deux choses. Ils ont entendu le bruit. Quand ils ont entendu ce bruit, I know that they heard the tremendous violent sound that came to destroy the old order. Je sais que ce qu'ils ont entendu, c'est le vent violent qui est venu pour détruire l'ancien ordre. And then, et ensuite, they now also heard, ils ont maintenant aussi entendu, when finally the fire had descended on the disciples, quand finalement le feu est descendu sur les disciples, and then there was the speaking of many tongues. Et ensuite ils étaient en train de parler en plusieurs langues. The violent destruction of old order in the church, la violente destruction du vieil ordre dans l'église, was meant to imply that you cannot ignore the visitation of the Holy Spirit. Avait l'intention d'impliquer que vous ne pouvez pas ignorer la visitation du Saint-Esprit. That he will come violently and he will destroy what has been your comfort. Qu'il va venir d'une manière violente et qu'il va détruire ce qui a été votre confort. What has been the household name of your worship? Ce qui a été le nom de la maison de votre adoration. And he will come and destroy it. Et il viendra et il détruira. It quickly bespeaks that that was evil, that was not right. Ça annonce rapidement que ce n'était mauvais, que ça n'était pas juste. That's why he destroys it violently. C'est pourquoi il le détruit violemment. So they heard it. Alors, ils ont entendu cela. The God-fearing Jews heard it. Les Juifs qui craignaient Dieu l'ont entendu. They heard the destruction of the old order. Ils ont entendu la destruction du vieil ordre. And what was most fascinating, most stunning to them? Et qu'est-ce qui était le plus fascinant, le plus stupéfiant pour eux? Now they began to hear the speaking of their own tongues from these disciples here. Maintenant, ils commencent à entendre le parler dans leur propre langue des disciples ici. From the visited church. De l'église qui est visitée. Listen to this very carefully right now. Écoutez ça très clairement, juste maintenant. God fearing. Ceux qui craignent Dieu. That already tells you that look, behold, he calls you. Ça vous dit déjà, regarde, il t'appelle. There are people he has called. Il y a des gens qu'il a appelés. It is not something you get by your works. Ça n'est pas quelque chose que tu as par ton travail. Or achievement. Ou bien du succès. Or you earn it. Ou vous le gagnez. He says. Il dit. They were God-fearing people. Il y a des gens qui craignent Dieu. People that he had already placed in their spirits the need to fear God. Des gens dans lesquels il avait déjà placé dans leur esprit le besoin de craindre Dieu. The purpose of fearing God. Le dessein de la crainte de Dieu. He did not say that all the Jews in Jerusalem heard. Il n'a pas dit que tous les Juifs de Jérusalem entendu. He said only the God-fearing Jews that lived there, they were able to hear. Il a dit, seuls les Juifs qui craignaient Dieu, qui étaient là, ont entendu. That means only those who were sensitive to the matters of God, to the dispensational issues of God. Ça signifie, seuls ceux qui sont sensibles aux choses de Dieu, à la dispensation des issues de Dieu, eux. But what amazes even most, ce qui est étonnant, même plus, that as they were doing that, que alors qu'ils étaient en train de faire ceci, doing their life in the God-fearing nature according to their own accord, faisant leur vie dans la nature de la crainte de Dieu selon leur propre accord, when the destruction of the old order in the church took place, they noted it. Quand la destruction du vieil ordre dans l'Église a pris place, ils l'ont noté. Pour moi, c'était comme s'ils étaient en train d'attendre. Comme, regardez, nous sommes en train d'attendre que vous ayez fini ce que vous êtes en train de faire. If you look at the current spiritual scenario across the globe, si vous regardez au scénario du courant spirituel à travers le globe, there are so many God-fearing nations. Il y a tellement de nations qui craignent Dieu. There are so many God-fearing people. Il y a tellement de gens qui craignent Dieu. That are not yet born again. Et qui ne sont pas maintenant nés de nouveau. And they're waiting for the church. Et ils attendent pour que l'Église. To get done with what she's doing now. Finisse ce qu'elle est en train de faire maintenant. And when the dismantling of the old order takes place. Et quand ce démantèlement du vieil ordre prend place. They are sensitive enough. Ils sont assez sensibles. Their sensibility will allow them to detect it. Leur sensibilité va leur permettre de le détecter. And what amazes me here, et ce qui m'étonne ici, that at Pentecost, c'est que à Pentecôte, when the oil and the wine poured at this time, quand l'huile et le vin étaient déversés en ce temps, now there was the hearing of the great sound. Maintenant, c'était le bruit de quelque chose de fort. This tremendous violent sound that attacked, that befell and came to destroy issues. Cet énorme bruit violent qui a attaqué, qui est arrivé et venu pour détruire les issues. And then now, they also heard. Et maintenant, ils ont aussi entendu. The speaking of tongues. Le parler en langue. The gifting of the church. Donnant des dons à l'église. I call it the establishing of the church now. J'appelle ça l'établissement de l'église maintenant. Into the heavenly order. Dans l'ordre divin. Because the speaking of tongues is a heavenly tongue. Parce que le parler en langue, ce sont des langues célestes. It is a heavenly discourse. Des discours célestes. Even as the Holy Spirit enabled them. Comme le Saint-Esprit le leur permet. Look at this. Regardez ceci. The God-fearing. Ceux qui craignent Dieu. The God-fearing Jews at that time. Les Juifs qui craignent Dieu de ce temps. They became bewildered. Ils sont devenus perplexes. There was a bewilderment. Il y avait une confusion. And if there is a way in which to define this roadmap in Revelation, et s'il y a une manière de définir cette carte routière dans l'Apocalypse, is that the dismantling of the old order must have resounded unto the nations. C'est que le démantèlement du vieil ordre doit avoir résonné dans les nations. To catch the attention of the nations. Pour saisir l'attention des nations. That the power has befallen here. Que le pouvoir est survenu ici. And then the speaking of tongues. Et ensuite, le parler en langue. Must bewilder the people that are not born again. Doit abasourdir les gens qui ne sont pas nés de nouveau. How does it bewilder them? Comment est-ce que ça va les abasourdir? Because they began to understand. Look at what it says here. Parce que ils commencent à comprendre. Regardez ce qu'il a dit ici. Verse 7. Le verset 7. Utterly amazed, they asked. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres. Are not all these men who are speaking Galileans? Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Then how is it that each of us hears them in his own native language? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthians. Parthes, Medes, Mèdes, and Elamites, Elamites, residents of Mesopotamia, ceux qui habitent la Mésopotamie, Judea, la Judée, and Cappadocia, la Cappadoce, Pontus and Asia, le Pont, l'Asie, Phrygia, la Phrygie, Pamphylia, la Pamphylie, Egypt, l'Égypte, parts of Libya near Cyrene, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, visitors from Rome, et ceux qui sont venus de Rome, both Jews and converts to Judaism,